FM, La Marge, la session live à CISM, une présentation de Solotech. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, Jean-François Lusignan avec vous en ce lundi 20 octobre. Vous écoutez l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant. Pour vous donner un petit aperçu de ce que vous allez entendre dans la prochaine heure, il va y avoir des noms comme White Laces, Jared Brown, Screaming Females, également Ned's Atomic Dustbin. Ça, c'est pas récent, mais c'est très très bon. Ça sera en deuxième partie d'émission. On débute le premier segment de l'émission de ce soir avec le groupe local Shoegaze Femme Accident, qui sortent leur troisième album, qui s'appelle Homme, le 5 novembre prochain. Le spectacle de lancement, lui, aura lieu le 21 novembre à la brasserie Beaubien, sur la rue Beaubien, à Montréal. On a déjà, ce soir à l'émission, un extrait de cet album qui sort donc seulement le 5 novembre et en exclusivité à l'émission. Donc, je propose d'écouter à l'instant la chanson Under Your Spell de Femme Accident de leur nouvel album qui sort très bientôt. Bonne écoute. So shit hole, not holding no one's hands, hoping for something to take me off of this land. Groupe de Montréal, Dories avec Drip, une chanson tirée de leur mini-album qui vient de paraître sur Egg Paper Records, une étiquette d'ici de Montréal qui se spécialise dans le format cassette et également format numérique. Sinon, ben, les gars de Dories viennent de Calgary, en tout cas selon leur page Facebook, et seraient ensemble sous le nom de Dories seulement depuis 2 ans. Donc, c'est disponible, cette musique-là, sur le eggpaper.bandcamp.com pour en écouter davantage. Juste avant, c'était Weaves avec une nouvelle chanson, Shithole, et Weaves, un groupe de Toronto, seront de passage à M pour Montréal le 19 novembre. La salle de spectacle n'est pas encore confirmée, là, à moins que ça soit disponible sur le site de M pour Montréal. M for Montréal, c'est ça, sur Internet peut-être. Allez jeter un coup d'œil. Et on avait débuté ce segment tout canadien avec le nouveau Femme Accident, une exclusivité ici à l'émission. Donc, je suis très, très content de vous l'avoir fait passer, sa chanson Under Your Spell, de leur nouvel album, leur troisième, qui sort le 5 novembre. Et jusqu'à maintenant, ça s'annonce pour être excellent, cet album de Femme Accident. Donc, on va maintenant écouter de la musique de Field Mouse. Les filles de Field Mouse, la chanson Net Souk sur le 89.3, CISM. De leur album Trance qui sortait il y a tout juste 2 semaines, c'était White Laces avec la chanson On a Wire. C'était précédé de Screaming Females avec It All Means Nothing de leur album Ugly qui lui sortait il y a 2 ans, en 2012. Les deux prochaines chansons que vous allez entendre sont issues des années 1991 et 1989. Vous allez entendre du Ned's Atomic Dustbin, donc la chanson Grey Cell Green, mais pour commencer, on y va avec le groupe anglais The Wedding Present, qui ont associé pendant leur carrière au C86, qui était une compilation du magazine NME, sorti en 1986. Donc ça, c'est le début, mais c'est une compilation qui par la suite deviendra une étiquette assez péjorative, donc pour certains groupes britanniques qui donnaient dans le power pop et qui étaient un peu trop centrés sur eux-mêmes. Mais à l'époque, donc, d'être associé à cette compilation-là, c'était pas très les groupes s'en cachaient ou s'en détachaient par la suite. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs journalistes et spécialistes là, de la scène indie britannique qui vont dire que c'était en quelque sorte les balbutiements de la scène indie dans le pays, donc au courant des années 80. Donc cette étiquette C86 pour The Wedding Present, intéressant à analyser. De l'album Bizarro qui sortait en 1989, on va entendre la chanson Kennedy de The Wedding Present jusqu'à 20h. Vous écoutez l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Oh, walks away with Johnny's wife. He's gotta pick some people up, he's gotta let some people go. But if Lee's name just come up, oh well, I really want to know. Because everybody loves that TV show. Lost your online. Too much apple pie. Oh, have you lost your online? Too much apple pie. And now Paris walks away with Johnny's wife. We'll be right back. Une chanson qui remonte à 1991, Greysale Green de Ned's Atomic Dustbin, un groupe qui est anglais, ou je recommence, un groupe anglais qui avait pour particularité d'avoir deux bassistes dans sa formation, et groupe qui existait entre 1987 et 1995 dans sa formation originale, dans le cours de ces années-là, que trois albums en sont sortis. Puis en 2008, ils sont revenus ensemble, mais jusqu'à 2008 avec une formation remodelée. Et finalement, depuis 2008, eh bien, les membres originaux qui étaient séparés en 95 sont de retour ensemble, mais pour l'instant, pas de plan pour un nouvel album pour le groupe Ned's Atomic Dustbin. Et puis pendant tout ce temps-là, le chanteur John Payne, c'est lui qui maintenait le groupe à flot. Avant ça, on avait également entendu le groupe The Wedding Present avec la chanson Kennedy. On va poursuivre maintenant avec un groupe de New York qui s'appelle Dead Stars, la chanson Someone Else sur le Terminus. I'm

mardi noir avec Palais de Mélamine. Et aux dernières informations, les gars seraient en train de travailler sur un successeur à leur premier album, Le Grand Réveil, qui était sorti en 2012. Super excellent album. Donc, on présume qu'on devrait avoir des nouvelles de mardi noir au courant des prochains mois. Parce que des groupes de rock francophones comme eux, il n'y en a quand même pas beaucoup actuellement sur la scène locale. Et juste avant Mardi Noir, il y avait du Caféine. Et en fait, c'était ma chanson préférée de tous les temps, de tous les projets d'Xavier Caféine, autant incluant son projet anglophone Poxy. Donc, la chanson Dans ta chambre, qui se retrouvait à l'époque sur une compilation sortie par CISM en 1998, L'oreille gauche, volume 1. Maintenant, on va aller entendre un gars qui vient de la Nouvelle-Écosse de Nova Scotia, et maintenant établi à Montréal selon toute vraisemblance, et donc de son dernier album qui s'appelle She, qui vient de sortir en fait à la fin de l'été. On écoute à l'instant Jarrett Brown avec la chanson Can You See sur le Terminus. Hey. Qui saigne et c'est moi qui a mal. Les docteurs viennent et puis s'en vont. Tes yeux se ferment et c'est pas normal. N'abandonne pas, ça pourrait être bon. Un génie vraiment, Alec plutôt Duprat et son projet Alec et les petits pénis. La chanson « C'est grave » de son premier album, il me semble, « Savoir donner » qui paraissait en 2003 et on avait débuté ce combo avec Jared Brown, la chanson « Can You See ». Reste à l'écoute dans quelques instants, Romain Louin va être avec vous pour l'émission « Nous sommes les rockeurs ». Pour réécouter l'émission de ce soir ou avoir la liste complète des chansons, ça se retrouve dans quelques instants sur le CISM893.ca. Il y a également les archives de l'émission ou plutôt sur leterminus.ca. On va se quitter avec la musique, le shoegaze de Black Hearted Brother, la chanson I Don't Mean to Wonder. Et bien, c'est ça qui va nous mener à la fin de l'émission. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain pour une autre édition du Terminus. Ciao! oublier le passé et le futur. Allonge-toi dans la fourrure. Écoute Dextro, Propogy, Finsmack, le dimanche à 22h sur CISM 89.3. Tiens, tu saignes encore un peu de l'oreille? Et le jeune et le moins jeune, tu es au courant qu'il existe un nouvel antidépresseur sans frais? Ou que tu en as besoin, mais tu te demandes, quel est-il? C'est facile pourtant, car il t'est offert gratuitement tous les vendredis matins de 7h à 9h. Ouh, c'est la magie de MCGIS! Du plaisir, de la joie et surtout de la bonne musique du terroir d'ici et d'ailleurs. Prescription et rendez-vous, vendredi 7h. En tout cas, moi et Normal Amour, on va être là. Soyez-y! Yeah! Salut tout le monde, c'est Dieu Brochet, Fred, Gros Manet, du TCISM. La 13e édition du Festival Spasme. Deux fins de semaine de cinéma insolite, de show live et de party. Le jeudi 23 octobre au Théâtre Plaza, c'est la soirée d'ouverture avec un spécial sexe. Ensuite, place aux Inclassables le vendredi 24 octobre. Le samedi 25 octobre, c'est Trailer 4 au Café Cléopâtre, une projection de fausses bandes-annonces de films. Après, c'est Total Crap 11 au Club Soda pour voir le meilleur du pire de la télé. Et ça ne fera que commencer. Le week-end suivant, c'est le fameux cabaret trash, suivi de la traditionnelle grande soirée horreur le soir de l'Halloween. Et finalement, c'est le retour du méga party d'Halloween old school. Pour la programmation complète du Festival Spasme, consultez spasme.ca. Ce samedi 1er novembre, venez vous éclater en encourageant vos carabins. Ne manquez pas le match de football contre le Rouge et Or de Laval. Barbecue disponible, apportez nourriture et breuvages pour le tailgate dès 10h. Une ambiance unique et des billets à partir de seulement 10$. Tous les détails au carabinfootball.ca. Vos carabins, bleu éclatant, spectacle fracassant. Lorsque t'as besoin d'un petit rayon de soleil pour partir ta journée, là, c'est ISM. Sensuelle, ardente, sexy, alléchante. Oh boy! Attention. Bon, ça peut sembler rebutant comme ça. Avez-vous peur? CISM. Et allez, continuons. Est-ce que c'est le temps d'une petite météo? Ah oui, très petite. On jasera de ça ensemble. Oui, ça va être plate. Ben voyons donc, c'est impossible. C'est pas mal la seule station écoutable du Grand Montréal. CISM 89.3 FM. La marge. C'est dur à dire, la marge, hein? La marge. Yes! À l'Université de Montréal, il y a exceptionnellement plus de 250 programmes d'études ouverts pour le trimestre d'hiver, au premier cycle et au cycle supérieur. Il y a même quelques places qui s'ouvrent dans des baccalauréats très convoités, comme études internationales et sciences de la communication. Mais il faut se dépêcher, les dates limites approchent vite. C'est le bon temps d'en profiter, commence des études en janvier. Pour plus d'informations, consultez admission.umontréal.ca. Qu'est-ce qui est frais et rafraîchissant musicalement en ce moment? Pour le savoir, syntonise CISM 89,3 FM les dimanches à 18h pour le char de marge ou bien du lundi au vendredi, toujours à 18h pour l'émission Palmarès afin de découvrir les chansons les plus appréciées de nos animateurs. Vous écoutez CISM 89,3 FM.